envie d'Italie. En français? Voglia d'Italia. Pour voir l'Italie autrement, d'ici. Davvero molto tempo fui ebanista, operaio in borgo d'ogni santi. Mia moglie lì faceva la modista, in questo modo tiravamo avanti. Quando la domenica era bella, ci vestivamo a festa per andare in via delle usciate tanto per fare, contenti di veder de cervellare. Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. I nostri due marmocchi impiastricciati, brandendo lieti miseri balocchi, salivano su con noi nella vettura, felici correvamo in via Chadè. Strozzati tutti quanti allo steccato, menando colpi per meglio vedere, cercando sotto i piedi un asse e un sasso, per non sporcar di sangue gli scarponi. Venite, vedete la macchina girare, dal vico ammirate la testa via volare. Bonsoir à toutes et à tous. Comme tous les premiers lundis du mois, vous écoutez Envie d'Italie sur Fréquence Paris Pluriel, le 106.3 FM. Et ce soir, on est en studio, en bonne compagnie, et avec tout un plateau que je vais vous présenter petit à petit. À tous les cas. Et voilà, notre émission, c'est Ex, Véritable et Néo-Rital. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est ce soir, on a eu envie de parler de diaspora italienne en France. Et notre émission, Envie d'Italie, cette émission, comme vous le savez, faite par des Italiens, avec des gens qui aiment l'Italie, avec des anciens, des futurs et tous ces gens qui font des voyages à travers l'Europe entre les deux pays. Alors l'émission qui a son petit accent italien que l'on reconnaît entre tous. Alors on va parler ce soir Rital. Donc bon, ce terme autrefois péjoratif évidemment, mais devenu avec le temps plutôt affectueux puisque les mauvais souvenirs, je pense, sont effacés. Et on va parler de ces petites histoires d'individus, des morceaux d'existence, des morceaux de la grande histoire. On va parler de ces millions d'Italiens qui sont venus en France et à travers tous ces petits cas, nous allons évoquer cette diaspora et grâce aussi à nos invités en plateau. Alors, pour commencer l'émission, on a eu envie de faire un clin d'œil à un grand enfant justement de cette diaspora italienne qui est François Cavana. Alors François Cavana, qui va fêter dans quelques jours ses 90 ans, et il est François Cavana, écrivain, dessinateur, satiriste et le créateur du journal Harakiri, qui a eu tellement de succès dans les années 60. Et donc il a écrit un livre resté très célèbre, et qui s'appelle L'Hérital, publié en 1978, dans lequel il se souvient de son enfance à Nogent-sur-Marne, lui l'enfant d'Hérital. Et voilà, on lui a préparé un modeste hommage à propos de son livre homonyme L'Hérital. On écoute maintenant une pastille sonore de Veronica Colalti et Elise Gruau. À tous les Cavana, les Taravella, les Giovanale, les Garibaldi, les Nardelli, les Bocciarelli, les Maloberti, les Pavarini, les Borgani, les Simonetto, les Gasparini, les Pianetti, les Pelliccia, les Bergonzi, les Ferrari, les Farinotti, les Sargenti, les Redivo, les Manfredi, les Colucci, les Stalletti, les Perani, les Draghi, les Brascio, les Villa, les Lucca, les Rocca, les Porro, les Roffi, les Rossi, les Ricci, les Lozzi, les Braci, les Toni, les Prati, les Toni et à tous ceux qui font que la banlieue Est n'est pas la banlieue Ouest. Alors, qu'est-ce que ça donne, ces Rital ? L'odeur de la boutique italienne. L'odeur de la boutique italienne, c'est compliqué. Il y a des tas de choses dedans. Mais en même temps, c'est simple, parce que c'est toutes des odeurs qui vont dans le même sens. C'est l'accord parfait, quoi. L'odeur de la boutique italienne, c'est compliqué. Il y a des tas de choses dedans. Et en même temps, c'est simple, parce que c'est toutes des odeurs qui vont dans le même sens. L'accord parfait, quoi. Comme quand on chante La Nuit de Rameau à l'école, à quatre voix, et que pour une fois, on n'a pas trop envie de chahuter le prof de chant. Eh oui, ça arrive. Il y a les olives dans leurs tonneaux, il y a les petits poissons salés dans leurs tonneaux aussi, des petits tonneaux plats où les poissons sont rangés bien serrés, bien en ordre, comme les rayons d'une roue. Quelle patience! Il y a le concentré de tomates dans la grande boîte en fer. Il y a les champignons secs enfilés sur des fils au plafond. C'est ça qui sent fort. Tiens, il y a des morues sèches plates, plates comme des chemises en pesée. Il y a les salamis et la saucisse. Il y a la pancetta à rouler. Il y a les herbes, les sacs de riz, de lentilles, les grappes de fiasque au ventre de paille. Il y a le jambon de Parme sur la machine à faire des tranches sottilissimes, très, très subtiles. C'est pas joli, ça? Et ça aussi, ça sent fort et bon, le jambon de Parme. Et il y a le parmesan, l'odeur reine. Le parmesan, l'éléphant des fromages, les roues de 100 kilos, noires, empilées comme des pneus de camion, tellement dures qu'il faut les entamer à la hache, séchant et mûrissant doucement dans le coin, parfumant tout de leur incroyable odeur de culottes de petites filles pas très soignées. J'ai faim soudain. Et voilà, cet hommage donc l'héritage, une petite pastille imaginée à la suite de Cavana et de son livre. Alors il est temps de vous présenter nos invités, car ce soir nous avons un plateau très bien garni. Donc nous avons avec nous des musiciens que je vais vous présenter dans quelques instants, qui sont en train d'installer les micros, d'installer leurs instruments, et tout à l'heure ils pourront jouer. Et puis on a aussi avec nous Antonio Beccheloni. Donc Antonio, bonsoir. Vous êtes ancien maître de conférence à l'université de Lille 3 et vous vous êtes intéressé depuis longtemps à l'immigration et à l'exil italien en France. Vous avez animé le CEDEI, le Centre d'études et de documentation sur l'émigration italienne. Et dans quelques instants, vous nous présenterez votre travail et on reparlera de tout ça. Et nous avons avec nous Giuseppe Samona. Bonsoir, Giuseppe. Bonsoir, buonasera. Bonsoir. Vous êtes romain d'origine sicilienne, historien de l'Antiquité. Vous avez enseigné l'histoire des religions anciennes à l'Université du Québec à Montréal. Vous êtes écrivain et traducteur. Vous avez enseigné la langue et la littérature italienne en France, où vous vivez depuis 10 ans. Donc vous avez une expérience multiple avec la langue, avec les langues. Et une vie qui s'est passée en différents voyages et lieux de séjour. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Voilà. Et on a avec nous en studio La Bedda et l'Umariulu. C'est un groupe originaire de Enna, en Sicile, donc des musiciens qui vivent à Paris, avec Liliana Di Calogero, qui est en train d'installer ses micros, ses instruments. Elle a appris avec sa mère le chant traditionnel populaire, et elle va nous en parler tout à l'heure, donc en Sicile. Et avec Mathias Seno, qui est avec nous aussi en studio, elle est passionnée de guimbarde et de percussion. Ils ont créé un duo dont ils vont interpréter des chansons au fil de l'émission, tout en nous racontant un petit peu leur projet. Et nous aurons aussi, au fil de l'émission, des portraits enregistrés, des reportages auprès d'Italiens venus vivre en France. Donc on aura un thé avec les tre nonne, les trois mamies. Un reportage qui a été tourné à Neuilly-Plaisance. On aura une famille d'Italiens à Paris et puis quelqu'un qui est rentré au pays. Tornata in patria, un dernier portrait qui nous fera un premier tour de ces Italiens à cheval entre la France et l'Italie. Et ben voilà, on va commencer ce premier tour de table avec en parlant un peu avec chacun. J'ai envie à tous mes invités qui sont là, qui sont tous des Italiens, qui connaissent parfaitement aussi la France, de dire un petit peu, faire un premier tour d'horizon, où en êtes-vous avec l'Italie après tout ce temps? Et vous, Antonio, je dirais, qu'est-ce qui vous manque le plus de l'Italie? Ah, peut-être les temps. Non, c'est que pendant longtemps, j'ai pensé que la partie de mon existence que j'avais passée en Italie, c'était quand même la partie la plus importante, celle qui m'avait structuré. Mais au fil du temps, et en arrivant là où j'en suis maintenant, où plus de deux tiers de ma vie ont été passés, je l'ai passé en France, les rapports entre les deux expériences ont évolué. Et alors maintenant, je serai bien dans l'embarras de dire ce qui a le plus structuré ma personne telle qu'elle est maintenant, si mon séjour français ou ma précédent séjour italien. Et depuis combien de temps est-ce que vous vivez en France? Depuis 40 ans, mais si on compte des périodes antérieures qui ont été suivies par de nouveaux séjours en Italie, même 45 ans. Donc ça fait quand même beaucoup. Donc on peut vraiment dire que votre vie est partagée entre les deux pays. Et donc vous disiez, ce qui peut-être me manque le plus, c'est le temps, le climat. Oui, le climat, tout un type de socialité, des vies sociales en fait, qui est différent dans les deux pays. Et je me tourne vers vous, Giuseppe, et j'ai envie de vous poser aussi une question de votre où en êtes-vous à l'Italie, avec l'Italie, et évoquer peut-être, je ne sais pas, vos rêves les plus fous, est-ce que vous les concevez en italien ou en français? Écoutez, mes rêves les plus fous, je les conçois dans les deux langues, je crois, mais il y a aussi des morceaux d'autres langues qui apparaissent dans mes rêves. Pour moi, la chose la plus forte concernant comment on est dans une langue, ce n'est pas tellement dans quelle langue on rêve, mais dans quelle langue on arrive à rire. Et pendant longtemps, je pouvais rire seulement en italien. Je pouvais apprécier le comique et l'humour seulement de l'Italie. Et depuis quelques années, je peux l'apprécier aussi en France. Donc, je dirais que en ce qui concerne le rêve et aussi en ce qui concerne le reste, la culture française, la France et au-delà de la France, le Canada où j'ai vécu m'appartiennent aussi de façon aussi puissante que l'Italie. Bon, l'Italie, évidemment, c'est le pays dans lequel je suis né. C'est la première langue, l'italien, que j'ai parlé. Et c'est évident que ça fait partie de mon parcours, mais pas de façon exclusive. Voilà. D'accord. Donc vous combinez le passage d'une langue à l'autre. Tout ça, c'est quelque chose qui reste complètement fluide. Ça, je crois qu'au moins pour beaucoup d'Italiens qui vivent à l'étranger, ça fait partie de... On ne parle pas une langue ou l'autre, on parle les deux langues, on passe volontiers de l'une à l'autre, on commence une phrase dans une langue, on invente deux mots dans les deux langues, mais de façon volontaire et parfois même involontaire. Et je crois qu'il y a des pastiches qui se font entre les deux langues qui sont aussi la caractéristique de qui vit depuis beaucoup d'années en dehors de son pays de naissance. Et toi, Liliane, que tu es là aussi depuis pas mal d'années, tu es originaire de Sicile. Bonsoir à tout le monde. Et oui, je suis originaire de la Sicile, voilà où j'ai grandi. Et puis ça fait quelques années que j'habite à Paris. Et certainement, j'avais envie et même, je peux dire, un besoin d'amener ma culture, mon dialecte. Et puis, ma majeure raison, c'est quelque chose qui m'a J'ai avec moi depuis que je suis toute petite, parce que justement, comme vous avez dit tout à l'heure, j'ai une mère qui chante de la tradition populaire sicilienne. Donc voilà, c'est quelque chose que je sens comme ma peau, quoi. Et alors vous, toi Liliane, si tu pouvais là, en un instant, être transportée dans un endroit d'Italie, où est-ce que tu aimerais être ? Dans ce moment, à l'instant, comme ça. En Italie ? Bah, j'aime beaucoup, dans ce moment, la vision qui est plus forte, c'est la plage, la mer, voilà, le vent, l'air, tout l'horizon cet élément peuvent me donner comme cadeau. Et voilà, il faut dire qu'on est au creux de l'hiver à Paris et que sur Fréquence Paris Pluriel, on essaie de se réchauffer le plus possible auprès de nos amis méditerranéens. Et voilà. Et alors, maintenant, on va continuer avec un morceau de justement la Beda et Lu Mariulu qui vont nous interpréter une première chanson. Et puis, ils nous raconteront un petit peu. Aussi, ce que c'est que cette chanson après l'avoir interprétée. Je vous interprète Mi voto e mi rivoto, qui est une chanson populaire qui est certainement les passionnés de cette musique qu'on connaisse. Et puis surtout, je vais vous présenter mon musicien avec qui j'ai créé un duo qui s'appelle Mattia Seno. Et le duo s'appelle La Bella e Lu Mariulu, où on fait des concerts. Et voilà, on vous présente des morceaux qu'on revisite avec, dans ces cas, avec un tambour indien. Je pense que Mathias peut nous le présenter. Oui, bonsoir. C'est les deux tambours que je vais utiliser, c'est un nagara et une percussion sur cadre. Et bonne écoute. Mi voto e mi rivoto. Mi voto e mi rivoto sospirano. Passo le notti interi senza sonno e li bigizi toi vai contemplando li passo di la notte sino a giorno pittia non posso ora più dormire pace non avevi più sta afflitto cori quando caio taio a lassare taio a lassare quando la vita mia finisce mori paloma cammini mari mari ferma quanto ti dico due parole quanto ti tiro una pinna di stali quanto faccio una litteratura tra lume amore. Li litri ti li manno a tri a due. Risposta caditia non hai mai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Bravo la Beda et Lumariu, Lou, et merci pour cette chanson magnifique et pleine d'émotions. On était heureux de découvrir votre musique, on va poursuivre avec vous au fil de l'émission. Et maintenant, j'aimerais me tourner vers Antonio Bechellone, notre invité. Et voilà, vous êtes spécialiste de l'émigration italienne en France, et on aurait aimé que vous nous rappeliez un peu les grandes lignes de ces flux de population qui se sont transportés de la péninsule vers l'Hexagone, et voilà, de nous dire un petit peu quelles sont les spécificités de la présence française, italienne en France, et les différentes trajectoires qu'on a pu rencontrer dans la société française. Alors, effectivement. Les mouvements des Italiens vers la France a toujours été pendant un siècle très important, bien qu'il ait été en général sous-estimé, surtout du côté italien, dans le sens que l'Italie est un pays de forte émigration un peu dans toutes les directions du monde, pendant au moins un siècle, disons entre 1860, grosso modo, et 1960, c'est qui a peuplé un peu l'imaginaire et les discours autour de l'immigration a été beaucoup plus l'immigration au-delà des océans, en Amérique latine et aux États-Unis, que l'immigration dans les pays limitrophes. Ce qui fait que je crois que ce n'est que relativement tard qu'on a pris toute la mesure de l'importance de l'immigration dans des pays comme l'Allemagne, la Suisse et la France, qui, de tous les pays européens, c'est celle qui, contrairement à cet imaginaire et à ces discours, à celle qui a accueilli le plus d'Italiens. Et justement, ça se chiffre à combien de personnes pendant ce siècle ? On pense que maintenant, il y a à peu près 4 millions de Français d'origine italienne, qui ont au moins deux grands-parents sur quatre qui sont italiens. Ah oui. Et le mouvement regardez du côté italien, des Italiens vers la France est comparable en quantité au nombre d'Italiens qui sont allés aux États-Unis. Simplement que les Italiens sont allés aux États-Unis dans une période de temps beaucoup plus courte et ramassée, donc ça a frappé plus les imaginations, mis à part les côtés voyages en mer, paquebot et tout cela. Mais c'est aussi la concentration dans les temps, disons entre 1880 et 1920, alors qu'en France, ça a été beaucoup plus dilué. Disons que la véritable émigration de masse, on dit de masse dans le sens que c'était surtout des travailleurs manuels, soit dans les travaux publics, soit dans les bâtiments, soit dans les mines, a commencé, disons, vers 1860, et pour s'arrêter, grosso modo, à la fin des années 60. D'accord. Il y a eu une période, là, vu du côté français, donc, où les Italiens ont été les groupes étrangers les plus nombreux dans tous les recensements français depuis 1901 jusqu'au recensement de 1962. Donc, c'est-à-dire au moins la fin de la guerre d'Algérie. Grosso modo. après, bon, c'est les Espagnols qui ont pris la première place, puis les Portugais, puis les Algériens. Mmh. Alors, sur cette longue période, on peut distinguer plusieurs phases. La première, qui est certainement la plus difficile, c'est celle qui on peut situer les tournants, disons, au début du siècle. C'est les trois dernières décennies du 19e siècle qui ont été celles où les immigrés italiens étaient les plus démunis, avec moins points d'attache, avec moins de possibilités d'intégration, et aussi souvent étaient mal accueillis. C'est pendant cette période-là qu'il y a eu des épisodes, des véritables régies violents, dont l'épisode le plus connu, parce que c'était aussi celui où la violence avait été la plus massif, disons, c'est le fameux épisode des aigues mortes en 1893 pour des travailleurs italiens dans les salines du Midi. Voilà. Puis, déjà à partir de la première décennie du siècle, l'émigration devient quand même un peu plus diversifiée. Elle n'est plus exclusivement masculine comme elle l'était au départ. Elle n'est plus exclusivement, ou en tout cas d'une manière prépondérante, nomade. Mais il commence à y avoir des familles qui s'installent, des femmes qui arrivent. Il y a commencé à y avoir les premiers mariages mixtes. Il commence à y avoir aussi, grâce à une première petite, par rapport à celle dont on parlera après, vague de fuoriusciti d'exilés, il y a quand même une première petite vague petit groupe, disons, d'exilés politiques à la fin du 19e siècle, qui sont souvent des dirigeants ou des cadres de syndicats ou des cadres du jeune parti socialiste, qui à leur tour tissent des liens avec leurs homologues en France. Et donc l'image aussi de l'Italien qui accepte de travailler avec des salaires trop bas, ou qui casse le marché du travail, qui casse les grèves, l'Italien briseur des grèves, tout ça, cette image-là, elle recule, et elle est au contraire souvent remplacée par celle d'Italiens qui participent activement et qui donnent leur contribution à quelques grèves dans les mines, par exemple, de fer, ou parmi les dockers de Marseille. Déjà à la veille de la Première Guerre, il y a cette deuxième vague plus complexe, plus diversifiée. Puis il y en a une troisième très importante, qui est celle des années 20, où s'émêlent immigration politique et immigration économique. L'immigration économique restant très largement majoritaire, même à cette période-là. Ouais. Et puis bon, la dernière, c'est celle de l'après 45, qui s'arrête à peu près vers 60. Non, d'accord. Et justement, sur cette période des années 20, en fait, de l'entre-deux-guerres, il y a beaucoup de réfugiés politiques qui viennent en France. Il y a l'antifascisme fait que beaucoup de gens sont contraints de fuir l'Italie parce qu'ils subissent les menaces, ils subissent les violences. Et on va pouvoir écouter maintenant un reportage sur cette époque. Et on en reparlera avec vous après, Antonio. Donc c'est un reportage qui a été tourné à Neuilly-Plaisance avec trois femmes, Giannina, Graziella et Giorgina, qui ont vécu cette période-là. Elles vont émigrer après la Seconde Guerre mondiale en France, mais dans le premier épisode du reportage que nous écoutons maintenant, elles vont nous raconter la lutte antifasciste qu'a menée leur famille dans le village de Toscane où elles habitaient. Et voilà, elles nous ont toutes les trois accueillies chez elles à Neuilly-Plaisance. Elles ont environ 90 ans aujourd'hui, très

Alors, à ce moment-là, donc, vous avez 25 ans, donc c'est la fin de la guerre. La fin de la guerre. Et votre mari peut revenir de France aussi, d'où il a été résistant. Et vous, vous prenez la décision d'aller en France ensemble. Et voilà le premier épisode de Un thé avec les trenones qui se termine sur ce récit de la période antifasciste, la lutte de cette famille et ces trois jeunes filles qui, avec toutes leurs compagnons de village et la famille, ont résisté et ont fait face aux assauts des fascistes, aux nazis, ont vécu le retrait des Américains et après la guerre. Les retraits des Allemands. Oui, les retraits des Allemands. Heureusement. Oui, avec l'arrivée des Américains. Et le chemin ne serait pas fini. Ouais. Et donc Janine qui nous dit, la guerre est finie. Mon mari qui était antifasciste réfugié en France, naturalisé, revient en Italie et on prend la décision de partir en France. Alors Antonio, j'avais envie que vous puissiez réagir à ce récit que ces trois femmes nous ont fait, et en nous parlant un petit peu de ces antifascistes en Italie, mais aussi ceux qui sont partis en France, comment est-ce qu'ils ont été accueillis en France? Est-ce qu'ils ont été bien reçus? Est-ce qu'ils ont trouvé des réseaux? Comment c'était? C'est très difficile de dire en deux mots et en quelques minutes. C'est très complexe l'histoire, mais peut-être je vais me concentrer sur cette dernière période, en fait, celle de à cheval de la guerre, disons, où beaucoup de fils d'antifascistes italiens, c'est la génération de fils d'antifascistes italiens qui sont arrivés dans les années 20, qui deviennent majeurs, en fait. Il y a les hasards de l'histoire et de l'état civil font en sorte qu'il y a beaucoup de jeunes italiens, fils d'italiens qui, en fait, ont grandi en France tout en gardant souvent la nationalité italienne, qui deviennent majeures au moment où on fait les choix et où c'est l'histoire, parfois, la grande histoire, qui s'approprie d'eux, hein, dans le sens que quelques-uns, ils partent en Italie et font leur service militaire en Italie. Quelques-uns sont envoyés par des militants communistes italiens eux-mêmes en Italie pour faire propagande, les laissant partir pour l'Italie, en leur demandant de faire propagande italienne dans le communiste, antifasciste, dans l'armée italienne. D'autres, par contre, ils ont déjà, parce qu'ils sont devenus majeurs un peu plus tôt, pris la nationalité française et donc ils combattent dans l'armée française. Ils sont parfois faits prisonniers. Après, quelques-uns s'engagent dans la résistance française. S'ils sont très liés au parti italien, ils sont quand même après envoyés en Italie, après 42, 43, et ils sont souvent à l'origine de la formation de certains groupes de partisans en Italie, en ayant eu une expérience de lutte des résistances françaises. Donc c'est intéressant dans les groupes qu'on a entendus là, parce que visiblement les femmes dont on a entendu les récits, elles ont vécu cette période-là. Par contre, elles ont vécu toutes en Italie. Parce que c'est la période la plus dure, celle où l'armée allemande se retire, mais elle se retire en faisant beaucoup de massacres dans la population civile italienne, justement dans les villages, dans le type de village dont on parle là. Il y a eu beaucoup plus d'ouradours, d'équivalents d'ouradours sur glane en Italie, qu'en France on ignore souvent. Il y a eu à peu près, c'est comme s'il y avait eu à peu près une quinzaine d'ouradours sur glane dans les courants de l'été 44. Et presque tous en Toscane, d'ailleurs, entre la Toscane et l'Émilie. Ouais, d'où des souvenirs très traumatisants. Voilà. Ouais. Et une amitié très forte qui s'est liée aussi entre les Français. Mais là, c'est la rencontre, justement, entre un Italien qui avait été immigré en France, qui probablement avait vécu en France une grande partie du combat, de la résistance et de l'occupation, et ces jeunes italiennes qui, par contre, avaient vécu toute la même période en Italie. Voilà, et alors ce sera le deuxième épisode de ce reportage qu'on écoutera certainement à la prochaine émission d'Envie d'Italie. Et merci Antonio pour ces éclaircissements. Et je vais me tourner vers Giuseppe, notre deuxième invité. Giuseppe, vous êtes sicilien d'origine, né à Rome. Ouais. Et vous êtes un amant de la culture parthénopéenne. Vous avez vécu au Canada, vous avez enseigné en français. Vous êtes traducteur, vous vivez actuellement à Paris. Donc avec toute cette expérience, vous passez d'une langue à l'autre. Et on aurait aimé que vous nous parliez un petit peu de ce rapport à la langue et à la langue nouvelle, celle qu'on apprend, ce qui n'est pas notre langue maternelle. Et peut-être en réagissant avec, avec cette phrase d'une écrivaine juive allemande, Angelika Schropsdorf, qui disait, témoignait de son expérience dans une langue étrangère dans son livre « Tu non sei come le altre madri ». Elle disait « Bien sûr qu'on peut apprendre le vocabulaire et la grammaire d'une autre langue, mais tout ce qui est autour des mots ne s'apprend jamais. Et en parlant une autre langue, ne devient-on pas aussi une autre personne ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça évoque ?» Ben, ça m'évoque, disons, c'est une phrase magnifique, mais ce n'est pas une loi. Je crois que la relation à la langue est quelque chose de très personnel, et il faut tenir compte d'un parcours individuel, d'une situation individuelle et aussi d'une situation collective. Je dis, c'est difficile dans ce cas, dans le cas d'un écrivain juif allemand, ne pas évoquer l'horreur innommable, la rupture irréversible qui a été la Shoah, et dans tout ce qui peut impliquer, et surtout pour les juifs allemands, de relation à cette langue. Mais il y a une chose dans cette phrase qui me... la fin de cette phrase qui est très belle aussi, c'est-à-dire le fait qu'en apprenant une autre langue, on change, on découvre une autre personnalité. Alors, mon expérience à moi, évidemment, j'ai une relation très forte avec l'italien, ça a été ma langue maternelle, mais il y avait aussi le romain et le sicilien, donc j'ai tout petit fait l'expérience de différents registres de langues. Et c'est la langue de souvenir de l'enfance, c'est la première langue du désir, évidemment. Mais j'aurais envie de dire que le français et l'anglais ont été les langues de la découverte de la liberté. Ce sont les langues qui m'ont lancé vers le monde. Il y a eu des expériences que j'ai eues dans ces deux langues que je n'ai pas eues en italien. Et je ne pourrais pas dire que l'italien m'a structuré plus que ces autres langues. Je crois qu'il y a une richesse pour moi incroyable qui a été du fait de passer d'une langue à l'autre. Il y a eu aussi la relation qui avait à voir avec mon père, avec l'espagnol, qui est pour moi aussi une langue de l'enfance. Et ce que j'ai beaucoup aimé au Canada, c'était la découverte qu'en réalité, l'identité au singulier est quelque part un peu un piège. En leur, je pense qu'on n'a pas une identité. Je pense que l'identité est quelque chose qui est fait de plusieurs choses. Je pense que quand on emploie ces mots en singulier, c'est souvent très dangereux. Et je crois que de plus en plus, nous sommes dans un monde dans lequel les enfants grandissent dans plusieurs langues. C'était quelque chose de très vivant et de très fort au Canada, et c'est très mystérieux au-delà de la langue maternelle, comment on choisit une langue, comment on choisit la langue de l'expression. Je pense comment Canetti, par exemple, pour aller chercher un autre écrivain, a choisi ou s'est retrouvé à écrire en allemand et pas en judéo-espagnol ou en bulgare comme il aurait pu. Je pense à quelqu'un que j'ai lu récemment et qui m'a beaucoup plu, un écrivain albanais qui s'appelle Ornella Vorpsi, qui d'ailleurs habite, je crois, en France, et qui, du moment qu'elle a décidé d'écrire, elle n'a pas choisi l'albanais, elle n'a pas choisi d'écrire à propos de son enfance, mais elle a choisi justement l'italien. Peut-être pour en chercher une certaine distance. Je crois que c'est très... Je crois qu'apprendre les langues, ça fait un peu une espèce d'exercice de psychanalyse. Ça aide à ouvrir des tiroirs dans sa propre tête et à découvrir aussi des parties de sa personnalité que peut-être on ne connaît pas. Antonio, vous voulez réagir ? Oui, c'est toujours mystérieux, là, cette histoire. Surtout si on pense à quelques exemples de littérature, quelques choix de langue. Il me vient à l'esprit les cas des Conrad, oui, qui est une de mes auteurs préférés, et pour lesquels on sait que, bon, parti du polonais, en fait, il avait opté dans un premier temps pour le français. Et puis après, en fait, il a abandonné et il a trouvé une nouvelle patrie linguistique dans l'anglais. C'est même plus que ça, c'est qu'il... Il connaissait le français mieux que l'anglais au départ. Et il a décidé, comme il disait, il a été choisi par l'anglais. Oui. Il n'a même pas choisi, c'est l'anglais qui l'a choisi. C'est comme ça qu'il raconte son expérience. Que je connais quelqu'un qui avait fait une étude sur les gallicismes dans l'anglais de Conrad. Oui, on voit, vous parlez de Ornella Vorpsi, effectivement, cette écrivaine albanaise qui écrit en italien, qui est publiée chez Actes Sud en France. Oui, voilà, c'est ça qui a été traduit. Ouais. Vous citez aussi le cas de Conrad, et on a vraiment, avec les écrivains, cet approfondissement du rapport entre les identités et la langue comme moyen aussi de s'inventer comme écrivain et dans l'expression aussi. Une dernière petite chose, mais la chose qui me fascine le plus, c'est les très rares écrivains, comme par exemple Samuel Beckett, qui arrive à écrire en même temps les deux langues. À maintenir vivantes autant les deux langues et à n'écrire pas les mêmes choses dans les deux langues. Donc on voit bien... ces identités qui se révèlent et qui s'inventent à travers des langues différentes. On va écouter maintenant un autre portrait d'Italiens qui vivent en France, une famille de Bolognais à Paris, avec Lucia, Vittorio, Anna et Giulio. Alors, je m'appelle Lucia. Et toi ? Anna. Giulio. On est arrivés en 2004. Et pourquoi la France? En fait, parce qu'on devait, aménager à New York. Et c'était pas le cas. Et donc, on a décidé d'aller tout de même quelque part. Et en allant à la mer, on s'est dit, bon, on peut aller à Paris. Et on a dit, oui, on va à Paris. Donc, c'était de manière assez inconsciente. Et la première année, c'était un peu un essai. C'est-à-dire qu'on a gardé tous les deux notre travail en Italie. Et donc, on vivait la moitié de la semaine ici, l'autre moitié en Italie. C'était compliqué. Et donc, du coup, à la fin de la première année, on a décidé de rester. Donc là, en fait, c'était un vrai choix et une décision beaucoup plus consciente. Est-ce que l'un de vous parlait déjà français avant de venir? Tous les deux. D'accord. En fait, le choix de venir à Paris plutôt qu'ailleurs, c'était aussi parce qu'on connaissait déjà la ville où moi, j'avais fait mon doctorat à Paris. Et donc, j'avais déjà vécu 2 ans et demi à Paris, et Vittorio était déjà venu plusieurs fois me voir. Et donc, c'était une ville connue, pas trop loin, qui nous permettait de partir sans quitter notre vie italienne. Et les enfants, quel âge avaient-ils? Alors, quand on est arrivé, Giulio était tout petit. Il avait 10 mois. Et Anne n'existait pas toujours pas. Non, pas encore. Moi, je suis partie également parce que j'avais envie de booster un peu tout ce qui était mon travail. Donc, c'était pas seulement pour ce qui est vrai, pour choisir une autre vie, pour essayer autre chose, pour faire d'autres expériences. C'était vraiment aussi pour améliorer un peu mon cadre de travail, ce qui n'est pas du tout le cas de Lucie. Quel est ton travail? Je suis photographe publicitaire. Et voilà, donc pour moi, ça m'a permis de me remettre en cause en termes de photographe. Donc c'était plus difficile quand même déjà il y a 10 ans presque en Italie par rapport à ici. Non, c'était pas forcément par rapport au fait qu'ici ça pouvait aller plus vite et mieux. C'était juste que moi je devais partir de Bologne qui était une ville qui proposait seulement un certain type de travail. Donc pour moi ça pouvait même être Milan. Après, Lucie, elle a eu ce poste à New York. Elle a dit, mais non, mais on part à New York. Je dis, très bien. Mais c'était juste qu'il fallait partir de Bologne. Après, de capitale pour la photo, il y en a plusieurs. Donc, ça pouvait être New York, ça pouvait être Paris, ça pouvait être Londres. Ça pouvait être... Et finalement, on a choisi Paris pour plein de questions qu'elle a bien évoquées. Est-ce que ça a été facile quand même de recréer un réseau de personnes ici à Paris, voilà, un soutien, parce qu'il n'y a pas de famille donc, Et un réseau de personnes, c'était assez facile, par le biais des enfants aussi. Donc on rencontre beaucoup d'autres parents et on connaît beaucoup, beaucoup de monde à Paris. De soutien, je dirais pas. Non, c'est pas facile. C'est-à-dire que arriver à avoir des rapports qui deviennent des rapports qui peuvent passer à être des relations affectives et donc d'être un soutien, d'être de point de repère. Là, c'est plus difficile et je pense que c'est peut-être particulièrement difficile à Paris. Mais par la dimension de la ville, par plusieurs choses, peut-être aussi par une différente manière de vivre l'amitié et les relations en général. Tu as le même sentiment par rapport à, par exemple, à des relations humaines qui te manquent ici, que tu avais en Italie. Oui, c'est plus compliqué. Après, il faut quand même... c'est vrai, hein, ça, c'est, je ne nie pas tout ce que Lucia vient de raconter, mais il faut quand même assumer que qu'on est arrivé ici quand on avait 40 ans, donc il y avait un vécu qui n'appartenait pas à ces lieux, qui est compliqué à refaire à 40 ans, quand la vie forcément est différente de ce que l'on fait à... Non, toi, t'as pas perdu des années parce qu'il y a 5 ans entre nous depuis toujours. Donc ça n'a pas changé avec les temps, ça. Et ouais, vous êtes parti quand même tard, on va dire. Ouais, voilà. Ouais. Bon, moi, j'avais déjà mon numéro de ciré depuis 10 ans. Donc je faisais de la profession libérale depuis 10 ans. Donc on n'était pas des étudiants qui, au bout d'un parcours d'études, décident de quoi faire de leur vie. On avait déjà tous les deux bien démarré, ça bien. Et donc voilà, non, c'est vrai que c'est plus compliqué ici, c'est sûr. Il y a une attitude à la vie un peu différente, soi-disant, entre les Italiens et les Français, c'est sûr. Après, il faut pas oublier qu'on est à Paris, c'est une ville où on vient exprès pour bosser. Il y a une forte compétition au tout niveau. C'est pas le meilleur endroit où on se met à papoter, on se met à regarder les couchers de soleil. Les gens sont là pour courir du matin au soir, ça se voit bien. Quel coucher de soleil? Il est où? Voilà, justement, ça se voit pas. Il y a un coucher de soleil à Paris, vraiment, c'est rare. Là, justement, t'es pas là pour ça. Est-ce que Paris a répondu à vos attentes? Totalement. Totalement, c'est un peu le côté qui fait que je suis content d'être ici, même si c'est une ville difficile, même si c'est très cher, même si c'est compliqué avec les relations. Mais finalement, j'arrivais à faire des choses que je pouvais pas faire en Italie. Donc pour moi, ça va, c'est bon. Aucun regret. Aucun. Est-ce que j'ai des regrets? Non, en fait, aucun. Je suis contente des choix qu'on a faits et je suis contente d'être là. Et de toute façon, je vois pas, je n'ai pas l'habitude de penser la vie en termes de regrets. Enfin, on fait des choix et on les assume. Et en tout cas, est-ce qu'il y a le désir à un moment de revenir en Italie ou ce serait pour aller dans un autre pays encore? Moi, parfois, j'ai des grosses nostalgies, plus moi que Vittorio, mais ce sont des nostalgies, en fait, relationnelles et humaines. Et je ne peux pas dire, surtout aujourd'hui, que j'aurais envie de vivre en Italie. Et si on pense changer à nouveau, donc pour Vittorio, c'est sûr que ça ne sera pas l'Italie, et moi, je ne sais pas. Comme Lucia l'a dit, je n'ai pas trop envie de rentrer en Italie pour travailler en Italie. C'est très compliqué. Les choses sont devenues très difficiles en Italie dernièrement. Et non, je ne pourrai jamais plus reprendre mon travail en Italie. Je n'ai pas envie de le faire. Non, et toi, tu aurais envie de changer de pays, de vivre ailleurs? Oui. Si. Quel pays? Italie. Et Anne, toi, tu as envie de partir ailleurs? Oui. Où? En Italie. Pourquoi? Parce qu'il y a des pizzas. Il n'y a pas des pizzas aussi en France? Elles sont pas bonnes. Qu'est-ce qu'elles ont de différent? Bah, elles sont pas bonnes, quoi. Ben oui, quoi, c'est pas pareil, les pizzas en France, en Italie. Alors voilà, avec cette famille de néo-ritales, comme on les a appelés avec le sourire, on a un petit goût aussi de ces familles où les parents partent en France pour découvrir le monde et les enfants, tout en découvrant le monde, rêvent de connaître encore plus l'Italie qu'ils fréquentent à chaque vacances, etc. Alors on va, ce portrait nous laisse avec beaucoup de questions évidemment, qu'on va continuer, mais là je vais de nouveau ouvrir l'espace de la musique avec le groupe qui est avec nous en studio, la Bedda e lo Mariulu. Donc ils vont nous interpréter maintenant le morceau Marza Paneddu. Marza Paneddu kinu da mustura, dammi la tua promessa, chi ma dare mi promettesti un nianco mucaturi che duchi d'oro taio a ricamari, ai, che duchi d'oro taio a ricamari. Punta pi punta ci metto una sciuri, menzo luma cori pi segnali, quando si scordirà lo nostro amore, quando di giugno vè ni lo Natale, ai, quando di giugno vè ni lo Natali. Rosa rosida di mille colori, mille colori, so come promettesti mi la dare. Mi promettesti un nianco mucaturi d'oro e d'argento mi la ricamari, ai, d'oro e d'argento mi la ricamari. Pi punta ci metto una sciuria, menzo luma cori pi segnali, quando si spartirà lo nostro amore, quando chi si cala qua di lumari, ai ai, quando chi si cala qua di lumari, quando chi si cala qua di lumari, quando chi si cala qua di lumari, quando chi si cala qua di lumari. C'était la Bedda e lo Mariulu, la chanson Marza Paneddu, avec Liliana Di Calogero qui chantait et Mattia Seno aux percussions. Merci pour cette chanson. Merci à vous. Giuseppe Samona, vous êtes d'origine sicilienne. Vous êtes Sicilien. C'est d'origine. Je suis plein de chance, mais toute ma famille venait de Sicile. Et voilà, donc mes grands-parents, j'ai passé beaucoup de temps en Sicile quand j'étais tout petit. Et donc, en écoutant ces chansons, la première, Me volte e me rivolte, celle-ci, ça me fait, en dehors de tout ce que j'ai pu dire avant, mais ça me fait un grand frisson. J'ai l'impression d'une longue histoire qui vient de très loin et que toute cette musique et ce mot et cette musicalité, évidemment, ça m'appartient aussi. Et ça me touche beaucoup. Voilà. Ah, c'est une très belle langue que nous en fait entendre l'abbé d'Alou Marioul, ou une très belle musique. On pourra bien sûr trouver des informations sur eux sur le site d'Envie d'Italie et on donnera les références de leur groupe. Et alors, on a parlé pas mal de ces Italiens qui viennent en France, du temps qu'ils passent en France, et on a eu quelques portraits, quelques témoignages. Maintenant, on avait aussi envie d'interroger quelqu'un qui est rentré au pays, qui est rentré en Italie après une expérience en France. Donc, c'est un portrait de Laura, tornata in patria. On l'a interrogé un petit peu sur comment est-ce qu'on fait après le départ pour rentrer. Et est-ce que donc on est au bar Necci, qui existe à Pigneto, dans le quartier de Pigneto depuis 1924. Et c'est Laura qui m'a donné rendez-vous ici, elle habite dans le quartier. Et Laura, elle fait partie de ces personnes qui sont venues en France à un moment, sont venues à Paris et maintenant sont revenues à Rome. Alors on avait envie de rencontrer aussi, des rentrer au pays, tornata in patria, comme on peut dire avec un peu d'emphase. Et voilà, est-ce que déjà tu peux nous dire un petit peu, Laura, quand est-ce que tu es partie à Paris et pourquoi et combien de temps tu es restée? Je suis partie, je crois, en 2005 et je suis partie en faisant un échange d'appartement avec un ami qui habitait à Paris et voulait venir à Rome. Et je pensais pour quelques mois. Après, j'ai prolongé parce que je me trouvais bien et je voulais en fait, mon intention c'était de changer vraiment de pays et tout, même profession peut-être. J'avais pas les idées trop précises, non. Sûrement, j'étais pas satisfaite de ma vie à Rome pour plusieurs raisons personnelles et aussi, mais aussi liées au pays. À Rome, au fait que j'avais l'impression, et je l'ai aussi maintenant, qu'il y a un pays avec beaucoup, beaucoup de problèmes. Je ne réussis pas à faire ma profession de comédienne vraiment en me sentant respectée, et même par la culture du pays, on va dire. Donc j'avais l'impression qu'en France ça pouvait être différent, qu'il y a un respect pour l'art, pour les métiers liés à l'immatériel. Donc je suis partie en pensant je veux avoir quand même cette expérience de voir si je me trouve bien, si je peux recommencer autre part, qu'est-ce qu'il m'arrive, même si j'avais pas des projets précis. Une grande motivation pour moi d'aller à Paris, c'était simplement de connaître Paris. C'est pas un projet professionnel, mais de vie. Je voulais vraiment vivre la ville et je l'ai vraiment vécu. Qu'est-ce qui te manquait le plus quand tu étais à Paris? Ce qui me manquait le plus, c'était le soleil. Peut-être aussi, sûrement le fait de dans la langue, même si plus ou moins j'ai eu plutôt de facilité à y entrer parce que le français me plaît beaucoup et je le sens vraiment proche. Mais ça me manquait aussi, par exemple, de pouvoir, avec la langue, peut-être aussi parce que je suis comédienne, de pouvoir utiliser l'ironie, faire des blagues, des nuances dans la langue. Et aussi le fait que quand je rencontrais des gens, la plupart des fois, j'étais l'italienne. Ça, après un temps, ça m'a vraiment saoulée. Oui, saoulée. Ouais. Et sûrement des amis. Et quand tu as décidé de rentrer à Rome, tu l'as fait en combien de temps? Combien de temps ça t'a pris? Heureusement, j'ai eu un rendez-vous avec un travail que je devais faire, un spectacle. Je dis heureusement parce que sinon, je ne crois pas que j'aurais pu décider tranquillement. Donc j'ai pensé de rentrer à Rome simplement pour faire ce spectacle. À ce spectacle est suivi un autre encore. Et l'effet un peu imposait que tu rentres à Rome, il fallait que tu suives quelque chose de naturel qui était en train de se passer. Si, parce que rester à Paris aurait été, je sentais qu'il y avait vraiment quelque chose qui m'appelait. À Rome, tout d'un coup, j'ai réalisé que je devais forcément n'importe où, mais construire n'importe où. Donc, je suis pas rentrée à Rome en pensant maintenant je rentre en Italie, mais je veux plus confondre l'idée que mon bonheur dépend de d'où je suis, mais dépend de ce que je construis. Donc là. Je peux être bien n'importe où si je suis bien avec ce que je fais. Et est-ce que tu penses que tu as été aidée dans ce travail quand tu es rentrée à Rome par l'expérience que tu avais eue en France? Oui, sûrement. Soit parce que j'ai compris que j'étais liée à mon pays beaucoup plus de ce que j'avais pensé au début, à ce que j'avais déjà construit, à mes amis, à ma profession avec ma langue, par exemple, parce que normalement, sûrement en France, en étant arrivée à 33 ans, j'avais pas la possibilité vraiment d'enlever mon accent qui est très fort, et donc je pouvais simplement faire les italiennes ou choses comme ça. Et ma culture et aussi cette, on va dire, haine, mais comment dire, cette sensation négative par rapport à mon pays, aussi c'est quelque chose qui te lie à ton pays. T'es oui, bien sûr. T'es pas indifférent. Oui. J'ai compris que il y a, que c'était pas le pays qui me donnait, pouvait me donner une satisfaction, mais mon parcours, ce que je construisais, donc c'était pas trop important où, mais c'était le parcours, la géographie, on va dire la géographie intérieure de ma vie, pas Rome, la France ou Timbuktu. Je vais préciser que je n'exclude pas que dans ma vie, un jour, peut-être, je connais des Italiens qui, à 70 ans, ont décidé d'aller vivre en France. Je pensais peut-être que là, ça va être la solution. Donc, s'il y a, chaque fois qu'il y a une condition d'y aller, mais cette fois avec un projet, j'aimerais vraiment bien, je le ferai tout de suite. C'était donc Laura, tornata in patria, elle est de retour à Rome après un séjour à Paris. Donc on voit que le séjour en France, c'est avant tout un voyage, une découverte de soi, et qui ne repousse jamais la question d'avoir à se construire partout où on est. Alors, avec ce reportage, je vais de nouveau demander à Liliane de Calogero, qui a chanté pour nous ce soir, de nous raconter un petit peu pourquoi elle est venue en France et comment est-ce que comment est né leur duo et leur projet musical. Et donc le projet musical est né il y a pas longtemps avec Mathias Henault. On s'est rencontrés à l'occasion d'un festival cet été, le festival le rêve des aborigènes, et puis on a pratiquement préparé un petit des morceaux, en fait. On avait, lui arrivé d'un voyage en Asie à la découverte de la guimbarde, que ce soir on n'a pas eu l'occasion de pouvoir vous faire écouter des morceaux avec la guimbarde, mais certainement il y aura une prochaine fois. Et donc on a en fait commencé à revisiter on a eu l'envie de revisiter des morceaux siciliennes avec cet instrument qui est très ancien, que j'ai d'ailleurs entendu jouer à mon père. Et c'est comme ça qu'est né le rêve. Et finalement, on a aussi une association qui s'appelle la Cantus Canti. Et donc, on a commencé à nous faire, à nous faire connaître dans Paris, et pas seulement en Paris. Et c'est comme ça qu'on avance. Ce soir, on vous remercie de nous avoir invités. Et voilà. On était ravis de vous recevoir à Envie d'Italie pour cette émission. On est, l'émission touche presque à sa fin. Cette envie d'Italie, j'ai envie de profiter encore de nos invités, Antonio Becchelloni et puis Giuseppe. est-ce que vous voulez réagir, Giuseppe, un petit peu à tout ce qui s'est dit ce soir? Antonio. Non, moi je voulais juste dire peut-être quelque chose à propos de du choix de rester dans un pays. Comme la France par rapport à l'Italie, du fait de faciliter des voyages, du fait aussi des nouveaux moyens de communication, j'ai l'impression que quand même c'est beaucoup moins un choix définitif qu'il aurait pu être, il y a une ou deux générations avant la nôtre. Moi-même, je n'ai pas l'impression vraiment d'avoir... choisi la France. Moi, j'ai l'impression d'être toujours un peu en France, un peu en Italie. Oui, je crois que c'est le cas de un sentiment partagé. C'est le cas de beaucoup de... Oui. Non, sûrement quand on part pour l'Amérique, la rupture, elle est plus radicale. Mais même quand on partait dans les temps pour la France. Oui, bien sûr. Moi, une chose, parce qu'on en parlait avant, qui me manque de l'Italie, ce sont mes 18 ans en Italie. J'avais 20 ans en Italie, ça j'aimerais bien... C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, parlais, ce qui me manque, c'est le temps. Voilà, si. Mon temps plus jeune là-bas, ça oui, mais bon... Il manque toujours, il y a toujours une nostalgie de la jeunesse aussi. Oui, non, c'est même pas une nostalgie, mais ça, ce sont des choses qui ont révi justement après par la littérature, par l'expérience et par d'autres moyens. Bien sûr. Une dernière chose, quelque chose qui a changé par contre ces derniers temps, dans un domaine beaucoup plus restreint que je connais, l'enseignement de l'italien en France. Dans le temps, c'était à 80% fait par des Français italianisants. Maintenant, c'est presque l'inverse. Mais je crois que c'est la même chose pour les Français en Italie. C'est-à-dire que le français n'est plus enseigné par des Italiens qui choisissent les Français, mais des Français qui viennent en Italie, comme l'italien est enseigné par des Italiens qui viennent en France. Je ne suis pas sûr que ce soit positif. Merci à tous pour ces participations. Merci à tous Antonio Becchelloni, Giuseppe Samona, l'abbé d'Alumariulu, que Mathias Henault va nous dire leur date de concert. En fait, cette semaine, on joue à Chez Adèle le jeudi prochain, donc le 7, Donc c'est dans le 10e. Et puis le samedi à la Veilleuse de Belleville, dans le 20e. Eh bien, on trouvera l'adresse de ces concerts sur le site d'Envie d'Italie. Et donc, je remercie Stefano Lodorio à la technique, Veronica Colalti, Chiara Gallo, Margherita Polli et toute l'équipe d'Envie d'Italie, tous les gens qui sont là. Et bien sûr, FPP, Fréquence Paris Pluriel, la radio qui permet que nous soyons ici. Et je vous dis au mois prochain. Bonne soirée. Sapevamo anche noi l'odore delle stive, l'amaro del partire, lo sapevamo anche noi. È una lingua da disimparare, è un'altra da imparare in fretta, prima della bicicletta, lo sapevamo anche noi. E la nebbia di fiato alle vetrine, e il tiepido del pane e l'onta di un rifiuto, lo sapevamo anche noi, questo guardare muto. Sapevamo la pazienza di chi non si può fermare e la santa carità del santo regalare. Lo sapevamo anche noi, il colore dell'offesa e un abitare magro e magro che non diventa casa. E la nebbia di fiato alle vetrine e il tiepido del rifiuto, lo sapevamo anche noi, questo guardare muto. L'Italia. Pour voir l'Italie autrement, d'ici. Per molto tempo fui ebanista, operaio in borgo d'ogni santi. Mia moglie lì faceva la modista,